بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On continue notre série de cours sur le chapitre du Siyam de l'ouvrage Bulugh al-Maram. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qu'il faut faire si une personne a des rapports sexuels avec son épouse lors d'une des journées du mois de Ramadan. Que doit-elle faire dans ce cas-là? On va lire le hadith numéro 24 qui est rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت يا رسول الله. Un homme est venu trouver le prophète alayhi salatu wasalam et lui dit: je suis perdu au messager d'Allah. Qala wa ma ahlakak. Le prophète alayhi salatu wasalam lui demanda: qu'est-ce qui t'a perdu? Qu'est-ce qui a causé ta perte? Qala waqa'tu ala mara'ati fi Ramadan. L'homme répondit qu'il avait eu des rapports sexuels avec son épouse lors d'une des journées du mois de Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiqu raqaba. Le prophète alayhi salatu wasalam lui demanda s'il avait un esclave à affranchir. Qala la. L'homme répondit non. Qala fa hal tastati' an tasuma shahrin mutatabi'ain? Qala la. Puis il lui demanda s'il pouvait jeûner 2 mois consécutifs et l'homme répondit non. Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina? Qala la. Puis il lui demanda s'il avait de quoi nourrir 60 pauvres et l'homme répondit non. ثم جلس فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق في تمر فقال تصدق بهذا. Puis on apporta au prophète عليه الصلاة والسلام un panier qui contenait des tamr, des dattes, et il demanda à l'homme de sortir ces dattes-là en sadaqa, en aumône. فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلي منا. Puis l'homme lui demanda est-ce qu'il devait donner ces dattes en aumône à plus pauvres qu'eux, car il n'y a pas aux alentours de Médine de famille qui en a plus besoin que la leur. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه. Le prophète rit au point où on aperçut ses canines. ثم قال اذهب فأطعم أهلك. Puis il lui dit de prendre ses dattes et d'aller nourrir avec sa famille. Ce hadith est rapporté par Muslim et d'autres. Ce hadith indique qu'il n'est pas permis d'avoir des rapports sexuels avec son épouse lors d'une des journées du mois de Ramadan et que celui qui fait cela a commis un péché qui cause sa perte. Et il est fait mention d'une expiation, d'une kafara, selon l'ordre suivant. Affranchir un esclave croyant ou sinon jeûner 2 mois consécutifs et si la personne ne peut pas, eh bien, elle doit nourrir 60 pauvres. La première question qu'on va voir concerne l'obligation de la kafara, de l'expiation. Est-ce que cette expiation est obligatoire ou pas? La majorité des savants est d'avis que cette expiation est obligatoire. Ils se sont basés sur le hadith qu'on vient de lire. Et d'autres savants comme Ibn Sirin, Nakhai, Sha'bi et d'autres ont dit que cette expiation n'était pas obligatoire. Ils ont expliqué que Siyam était une ibada, une adoration. Or, si une adoration est mal effectuée et mal accomplie, eh bien, on n'a pas à s'acquitter d'une expiation. Par exemple, si une personne accomplit mal une salat, eh bien, elle n'a pas à s'acquitter d'une expiation. Ils ont fait une analogie entre Siyam et les autres adorations. Mais en fait, cette analogie-là n'est pas correcte, elle est fausse. Car ici, on a un texte, on a une preuve claire et nette qui indique ce qu'il faut faire si une personne a des rapports sexuels avec son épouse lors d'une des journées du mois de Ramadan. Et les savants ont dit que ce hadith-là n'est sûrement pas parvenu à ces savants-là qui ont dit que l'expiation n'était pas obligatoire. Car comme vous le savez sûrement, auparavant les savants n'avaient pas accès à tous les hadiths. Ils n'avaient pas tous les hadiths à leur disposition. Certains savants devaient voyager pour recueillir parfois un hadith. Donc ce n'est pas comme aujourd'hui où, walillah alhamd, tous les hadiths sont à notre disposition. Tous les hadiths sont classés, répertoriés. On les trouve dans les livres comme Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, les livres de Sunan comme Sunan ibn Majah, Sunan al-Tirmidhi, al-Musnad, Musnad de l'imam Ahmed et autres. Donc aujourd'hui, on peut faire des recherches dans tous les ouvrages de hadith. Auparavant, comme on l'a dit, les savants n'avaient que certains hadiths à leur disposition et ils établissaient leur jugement en fonction des hadiths qu'ils avaient sous leurs mains. Donc il se peut que ce hadith-là ne soit pas parvenu à ces savants-là. Donc d'après cela, l'avis le plus juste est que cette expiation, cette kafara est obligatoire. La deuxième question concerne l'ordre de l'expiation. On a vu dans le hadith que le prophète alayhi salat wa salam a demandé de s'acquitter d'une expiation qui est citée selon l'ordre suivant. Affranchir un esclave croyant, ou sinon jeûner 2 mois consécutifs, ou sinon si la personne ne le peut pas, eh bien elle doit nourrir 60 pauvres. Alors est-il obligatoire de respecter cet ordre-là, ou est-ce que la personne peut, par exemple, choisir directement de nourrir 60 pauvres, même si elle est capable de jeûner 2 mois consécutifs? La majorité des savants est d'avis qu'il faut respecter cet ordre-là. C'est l'avis de l'imam Ahmed, de Thawri, de Lawza'i, de Shafi'i et d'autres savants également. Ils ont cité comme preuve le hadith qu'on a lu au début du dars. Et d'autres savants ont dit que cet ordre-là n'était pas obligatoire et que la personne avait le choix entre ces 3 choses-là. Ils se sont basés sur une version du hadith qui est rapportée par Muslim, où le prophète, alayhi salatu wassalam, a répondu à l'homme qui a eu des rapports sexuels avec son épouse lors d'une des journées de mois de Ramadan, d'affranchir un esclave, ou de jeûner 2 mois consécutifs, ou de nourrir 60 pauvres. Donc ici, il a utilisé le terme « aou ».« Aou » qui signifie « ou ». Il lui a dit « fais ceci, ou sinon, jeûne 2 mois consécutifs, ou nourris 60 pauvres ». Donc le terme « aou » n'indique pas un ordre. Il lui a donc laissé le choix entre ces 3 choses-là. Donc voilà comment ont raisonné les savants qui ont dit que l'ordre n'était pas obligatoire. Les savants qui ont dit que l'ordre cité dans l'expiation est obligatoire ont répondu en disant que ce hadith-là en fait était chève. Chève, c'est-à-dire qu'il s'oppose à des versions plus authentiques. Ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit « affranchis un esclave ou jeûne 2 mois consécutifs ou nourris 60 pauvres », c'est-à-dire avec le terme « aou » qui signifie « ou », eh bien s'oppose à d'autres versions plus authentiques où il est fait mention de l'ordre établi dans l'expiation. En effet, ce hadith où le prophète aurait dit « fais ceci ou cela » est rapporté par 4 rapporteurs qui sont Malik ibn Jurayj, Fulih ibn Sulayman et Amr ibn Uthman. Or, le nombre de rapporteurs qui a rapporté la version avec l'ordre établi dans l'expiation est bien plus grand. Il y a à peu près 30 rapporteurs qui ont cité la version du hadith avec l'ordre mentionné dans l'expiation. Donc, en se basant sur cela, dans la science du hadith, fi mustalah al-hadith, on dit que ce hadith-là est chèvre, c'est-à-dire qu'il s'oppose à d'autres versions plus authentiques. Donc, la version à prendre en considération est celle qui mentionne l'ordre dans l'expiation. Et c'est pourquoi l'avis le plus juste est que l'ordre est obligatoire dans l'expiation. En résumé, il est obligatoire de suivre l'ordre, de respecter l'ordre qui est cité dans l'expiation. La 3e question concerne la femme. Est-ce que la femme qui a eu des rapports sexuels avec son époux lors d'une des journées du mois de Ramadan doit également s'acquitter d'une expiation ou pas? Ici, on a 2 avis sur la question. Certains savants ont dit que la femme devra également s'acquitter d'une expiation. C'est l'avis de l'imam Malik, d'Abu Hanifa, d'Abu Thor et d'autres savants. Le Hafid ibn Hajar a cité que c'était l'avis de la majorité des savants. Ils se sont appuyés sur le hadith qu'on a lu au début du cours, où il est fait mention de l'obligation de l'expiation. Et également sur une version du hadith où l'homme qui a eu des rapports sexuels avec son épouse a dit « halakt » ou « ahlakt ».« Halakt » signifie « j'ai causé ma perte ». « Wa ahlakt » avec un alif devant signifie « j'ai causé la perte d'une autre personne », en l'occurrence de sa femme. Donc ils ont dit que vu que la femme est concernée par l'interdiction d'avoir des rapports sexuels lors d'une des journées du mois de Ramadan, eh bien, elle doit également s'acquitter d'une expiation. Voilà le raisonnement. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen. Et le 2e avis est que la femme n'a pas à s'acquitter d'une expiation. Ils ont dit que cette expiation-là était réservée à l'homme. C'est l'avis d'Al-Hassan, d'Al-Ouza'i et d'autres savants. Ils ont argumenté par le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, ne s'est adressé qu'à l'homme. Par exemple, il lui a dit « Tassaddaq bi'adha ». Il lui a dit « Donne ces dates en aumône ». Il ne s'est adressé qu'à l'homme. Il n'a pas dit « Donnez ces tamar ». Ces dates en aumône. Il ne s'est adressé qu'à l'homme et non pas à l'homme et à la femme. Également, il lui a dit, As-tu de quoi nourrir 60 pauvres et non pas avez-vous de quoi nourrir 60 pauvres. La même chose pour Hel Tastater. Il lui a dit peux-tu jeûner 2 mois consécutifs. Et il n'a pas dit pouvez-vous jeûner 2 mois consécutifs. Il n'a donc pas évoqué le cas de la femme. Donc, selon ces savants, eh bien, la femme n'est pas concernée par l'obligation de l'expiation. Voilà le raisonnement. Ils ont répondu aux arguments du premier avis en disant que la version du hadith où il est fait mention de « halakt » ou « ahlakt » où l'homme aurait dit « halakt » ou « ahlakt » « j'ai causé ma perte et j'ai causé la perte d'une autre personne, en l'occurrence de ma femme » en disant que cette version-là du hadith était « da'ifa ». Cette version-là du hadith est faible. Elle n'est pas authentique. Donc, elle n'est pas à prendre en considération. Et même si elle était authentique, eh bien, ils l'ont expliqué en disant que le sens était « j'ai été la cause du péché de ma femme ».« J'ai été la cause du péché de ma femme ». Donc ces termes n'affirment pas et n'infirment pas l'expiation. Ils n'affirment pas et n'infirment pas l'expiation. Il n'y a ni affirmation ni négation de l'expiation. Et d'autres savants on dit que le sens était « j'ai commis quelque chose dont je ne peux pas assumer la conséquence, qui est l'expiation ». Donc voilà la réponse aux arguments du premier avis. Et également, ils ont dit que le fait que l'homme et la femme soient concernés par l'interdiction d'avoir des rapports sexuels lors d'une des journées du mois de Ramadan n'indique pas forcément qu'ils soient tous deux concernés par l'obligation de l'expiation. Donc on voit bien ici que les deux avis, chacun des deux avis a des arguments qui sont solides. Et c'est pourquoi Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit à la fin, pour conclure, « wal qawlan qawiyan wa thani aqrab ». Il a dit que les deux avis étaient solides. Chacun des deux avis a des arguments qui sont solides. Mais il penche un peu plus vers le deuxième avis qui est que cette expiation-là est réservée à l'homme. Et il a fini en disant « wallahu a'lam ». La quatrième question est « Que doit faire l'homme s'il a 2 rapports sexuels avec son épouse lors de la même journée du mois de Ramadan ?» On a vu que si l'homme a 1 rapport sexuel avec son épouse pendant la journée du mois de Ramadan, il devait s'acquitter d'une expiation. Que faire s'il a 2 rapports pendant la même journée ? Doit-il s'acquitter d'une expiation ou de 2 expiations ? La réponse est ce qu'a cité l'imam Ibn Abd al-Barr, qui a dit que les savants étaient d'accord pour dire que si un homme avait 1 rapport sexuel avec son épouse lors d'une des journées du mois de Ramadan ou plus, eh bien, il ne devait s'acquitter que d'une expiation. Donc, même s'il a 2 rapports sexuels ou plus avec sa femme lors de la même journée, il ne doit s'acquitter que d'une seule expiation. La 5e question concerne le cas d'un homme qui a eu 1 rapport sexuel avec son épouse lors d'une des journées du mois de Ramadan, puis tombe malade dans la même journée. Alors, on a vu que celui qui est malade pendant le Ramadan a une excuse pour ne pas jeûner. Alors, cet homme qui a eu 1 rapport sexuel avec son épouse pendant cette journée-là, puis qui tombe malade dans la même journée, devra-t-il s'acquitter quand même de l'expiation ou pas ? Certains savants ont dit que l'homme ne devra pas s'acquitter de cette expiation-là. C'est l'avis de l'Hanafiya et un des 2 avis de l'imam Shafi'i. Ils ont expliqué cela en disant que cette journée-là ne lui était pas obligatoire puisqu'il était malade. Et d'autres savants ont dit non. Cet homme-là qui a eu 1 rapport avec sa femme lors de la journée puis est tombé malade devra quand même s'acquitter de l'expiation. C'est l'avis de l'imam Ahmed, de l'imam Malik, de Leith, d'Ishaq et d'autres. L'imam Nawawi a cité que c'était l'avis de la majorité des savants. Ils ont dit que cette expiation-là était comme une dette dont il devra s'acquitter. Donc même s'il est tombé malade par la suite, eh bien il devra quand même s'acquitter de cette dette-là qui est l'expiation suite au rapport sexuel avec son épouse lors de cette journée du mois de Ramadan. Ils ont dit que lorsqu'Allah Azzawajal ordonne quelque chose, ordonne de faire quelque chose, on ne pouvait pas l'annuler sans une preuve. Or ici, on n'a aucune preuve qui vient annuler le fait de s'acquitter de l'expiation. Donc à partir de là, La vie le plus juste est que cet homme-là qui est tombé malade devra quand même s'acquitter de l'expiation après Ramadan. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen et c'est l'avis le plus juste comme l'a cité Cheikh Mohammed Ibn Hizam. La sixième question concerne le cas où un homme a un rapport avec sa femme sans qu'il n'y ait de pénétration dans le vagin puis qu'il éjacule. Par exemple, si l'homme se frotte à sa femme sans qu'il n'y ait de pénétration dans le vagin puis éjacule, que se passe-t-il dans ce cas-là? Certains savants ont dit que cela invalidait le siyam et qu'il devra s'acquitter d'une expiation. C'est l'avis de l'imam Malik, de Atta, de l'Hassan et d'autres savants. Ils ont dit que ce cas-là était similaire à un rapport sexuel. Donc, dans les deux cas, il faut s'acquitter d'une expiation et cela invalide le siyam. Le deuxième avis est que cela invalide le siyam, mais que l'homme ne devra pas s'acquitter d'une expiation. Ils ont dit qu'à la base, eh bien, l'expiation n'est pas obligatoire. L'expiation n'est obligatoire que lorsqu'il y a un rapport sexuel avec pénétration dans le vagin. Donc, lorsqu'il y a pénétration dans le vagin, que l'homme éjacule ou pas, alors dans ce cas-là, l'homme devra s'acquitter d'une expiation. Or, ici, ces deux cas-là sont différents. Lorsque l'homme se frotte à sa femme, par exemple, et qu'il éjacule, eh bien, ce cas-là est différent du cas où il y a pénétration dans le vagin. À partir de là, cela valide son siyam, mais il n'a pas à s'acquitter d'une expiation. Et le troisième avis est que cela n'invalide pas le siyam et que l'homme ne devra pas s'acquitter d'une expiation. C'est l'avis d'Ibn Hazm, de Sanani et de Sheikh Al-Albani. Rahmatullah alayhi majma'in. Cheikh Mohammed Ibn Hizam a cité que l'avis le plus juste était le deuxième avis. C'est-à-dire que cela invalide le siyam, mais que l'homme ne devra pas s'acquitter d'une expiation. En effet, l'expiation n'est réservée qu'en cas où il y a pénétration dans le vagin. Et c'est l'avis le plus juste, et il a cité que c'était l'avis de Cheikh Ibn Baz, et également l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi majma'in. Et ici, on attire l'attention sur une chose importante, qui est qu'il ne faut pas comprendre que cela est permis, qu'il est permis de se frotter à sa femme et d'éjaculer. Non, cela est interdit. Là, on est juste en train de traiter sur l'obligation de l'expiation. Donc, il faut faire très attention, ne pas comprendre que cela est permis. La septième question est, que se passe-t-il si un homme rattrape une journée manquée de Ramadan à un autre moment de l'année et un rapport sexuel pendant cette journée? Si une personne, par exemple, est tombée malade pendant Ramadan et rattrape ce jour-là à un autre moment de l'année et un rapport pendant cette journée, doit-il s'acquitter d'une expiation ou pas? La réponse est ce qu'a cité Ibn Abdelbar qui a dit que les savants étaient d'accord pour dire que celui qui a un rapport sexuel lors d'une journée où il rattrape un jour manqué dans Ramadan, n'a pas à s'acquitter d'une expiation. Et attention, là ici, on précise bien qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels pendant une journée de siyam, que ce soit pendant Ramadan ou hors Ramadan. On est juste en train de traiter de la question de l'expiation. Donc on précise bien que cela est interdit. La huitième question est, est-ce que celui qui mange ou boit pendant une journée de siyam du mois de Ramadan doit également s'acquitter d'une expiation ou pas? Ou est-ce que cela est réservé au cas où il y a un rapport sexuel avec son épouse? Voilà la question. La majorité des savants est d'avis que l'expiation ne concerne que le cas de celui qui a un rapport sexuel avec son épouse pendant une des journées du mois de Ramadan, car les preuves ne sont venues qu'à ce sujet-là. Donc celui qui mange ou boit pendant le siyam du mois de Ramadan n'a pas à s'acquitter d'une expiation. Et d'autres savants, comme l'imam Malik, Thawri et Abu Hanifa, ont fait une analogie entre ces deux cas-là. Ils ont dit que même dans ce cas-là, eh bien, il fallait s'acquitter d'une expiation. Mais cet avis-là est rejeté. Et les savants ont dit que si on suivait ce raisonnement, eh bien, il faudrait une expiation à chaque fois qu'on commet quelque chose qui invalide le siyam. Par exemple, si quelqu'un se fait vomir volontairement, eh bien, il devra s'acquitter d'une expiation. Or, cet avis-là est rejeté. Donc, l'avis le plus juste est que la kafara, l'expiation, ne concerne que le cas de la personne qui a eu un rapport sexuel avec son épouse lors d'une des journées du mois de Ramadan. La neuvième question est, que se passe-t-il si un homme a rompu son siyam en mangeant ou buvant puis à un rapport sexuel lors de cette journée. Devra-t-il s'acquitter d'une expiation quand même ou pas? La majorité des savants est d'avis que cet homme devra s'acquitter d'une expiation. C'est l'avis de l'imam Malik, d'Ahmed, d'Abu Hanifa et d'autres. Et d'autres savants, comme l'imam Shafi'i, ont dit que l'homme ne devra pas s'acquitter d'une expiation. Et en fait, cette divergence repose sur la cause qui rend l'expiation obligatoire. Qu'est-ce qui rend l'expiation obligatoire? Est-ce que l'expiation était obligatoire car le siyam a été rompu? Ou est-ce que l'expiation est obligatoire car la personne a rompu le caractère sacré de ce jour en ayant des rapports sexuels lors de cette journée? Si l'expiation est obligatoire car le siyam a été rompu, eh bien, si une personne a rompu le siyam en mangeant ou buvant, elle peut avoir des rapports sexuels le reste de la journée et ne devra pas s'acquitter d'une expiation. Par contre, si la réponse est que l'expiation est obligatoire car la personne a rompu le caractère sacré de ce jour, eh bien, même si la personne a rompu le siyam en mangeant ou buvant, eh bien, elle ne peut pas avoir de rapport sexuel le reste de la journée. Et si elle a un rapport sexuel, eh bien, elle devra s'acquitter d'une expiation. Et cet avis-là a été défendu par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh Mohamed Ibn Hizam a cité que l'avis le plus juste, selon lui, était le deuxième avis, qui est que l'expiation n'est pas obligatoire. Il a cité le hadith « وَقَعَتُ عَلَى مَرَاءَتِي وَأَنَا صَائِمٌ » L'homme a dit « J'ai eu des rapports sexuels avec mon épouse » وَأَنَا صَائِمٌ » Le « waw » en arabe « يَفِدُ الْحَلْ » C'est-à-dire l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'il a eu des rapports. Lorsqu'il a eu des rapports, eh bien, il était en état de siyam. Donc, d'après cela, il a dit que l'obligation de la kafara, de l'expiation, ne concernait que le cas où la personne était en état de siyam. Donc, celui qui a déjà rompu son siyam en mangeant ou buvant auparavant, eh bien, n'a pas à s'acquitter d'une expiation. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La onzième question concerne le fait de nourrir 60 pauvres. Faut-il nourrir 60 pauvres, c'est-à-dire différents? Ou est-il permis de nourrir le même pauvre 60 fois, ou sinon 10 pauvres 6 fois? L'avis le plus juste est qu'il faut nourrir 60 pauvres. C'est l'avis de la majorité des savants, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith « As-tu de quoi nourrir 60 pauvres ?» Et la dernière question concerne la quantité de nourriture pour s'acquitter de l'expiation. Alors il faut savoir que le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas délimité cette quantité-là. Il n'a pas précisé quelle quantité de nourriture il fallait sortir pour s'acquitter de l'expiation. À partir du moment où on donne une quantité suffisante pour nourrir ces pauvres-là, eh bien, cette expiation-là est valable. Voilà l'avis le plus juste. Voilà pour ce cours. On a vu ce qu'il fallait faire si un homme a des rapports sexuels avec son épouse lors d'une des journées du mois de Ramadan et on a traité de la kafara, c'est-à-dire de l'expiation. Walhamdulillahi rabbil alamin.